Chapitre 27e. Le lendemain, un peu avant 5 heures, M. Denis fit prier Marthe de venir le rejoindre au salon. Elle descendit rapidement. « On me dit que tu as besoin de moi, » fit-elle en entrant. « Besoin n'est pas le mot juste. J'ai quelques instants de liberté, je voudrais les passer avec toi. Ne trouves-tu pas qu'il y a longtemps que nous sommes privés de ce plaisir ?»« Ah oui, bien longtemps. » »« Si ce temps a été long pour toi, sois persuadé qu'il l'a été pour moi aussi. » Mais ce que je te dis là n'est pas pour récriminer ni revenir dans le passé. Laissons-le derrière nous, et tous deux tâchons de n'y plus penser. » Marthe s'approcha lentement et, passant son bras autour du cou de son père, elle l'embrassa. « Ah, que n'es-tu toujours la petite fille d'autrefois ? » fit M. Denis avec un long soupir. « Mais je le suis. Eh non, cher enfant, pour le cœur, pour les sentiments de tendresse, tu l'es peut-être toujours, et encore, si l'on pouvait comparer la place que j'occupe dans ce cœur à celle que j'occupais autrefois. Peut-être verrait-on qu'elle est plus petite aujourd'hui qu'elle n'était quand tu étais vraiment petite fille. Mais ce n'est pas cela que je veux dire. Ce que je regrette, s'il est permis de se fâcher contre les lois de la vie, c'est que ton âge et ta position nous imposent à tous deux des devoirs qui sont durs, bien durs à pratiquer. » À ce moment, un domestique entra dans le salon pour annoncer que M. le vicomte de Saint-Austreberte faisait demander si M. Denis pouvait le recevoir. « Certainement. » Marthe s'était levée instinctivement en entendant prononcer ce nom détesté. Elle voulut se retirer, mais son père la retint. « Je pensais qu'il voulait te parler d'affaires. C'est une visite d'amitié. Ton grand-père a dû te dire que j'attendais de toi lorsque ces visites avaient lieu. Je te prie de ne pas l'oublier. Ainsi, hier soir, tu n'aurais pas dû quitter le salon. J'étais morte de fatigue. Aujourd'hui, tu n'as pas cette excuse à faire valoir. » Saint-Austreberte, en entrant, mit fin à cette conversation rapide dont le ton haussait de parole en parole. Marthe se rassit, et aux politesses de Saint-Austreberte, elle répondit par une simple inclinaison de tête, mouvement auquel l'intention n'avait aucune part. Pendant quelques instants, la conversation roula sur des sujets divers qui n'avaient aucun intérêt pour Marthe, puis Saint-Austreberte l'amena sur les travaux de la Gironde. « Si vous avez trouvé les renseignements que je demandais hier pour le ministre, dit-il, je vous serai reconnaissant de me les donner. L'affaire est pressante. » « J'aurai besoin de les accompagner d'une petite note. Si vous voulez me donner 10 minutes, je vais la faire tout de suite. Marthe, pendant ce temps, voudra bien vous tenir compagnie. » Marthe eut voulu répondre, mais son père était déjà sorti, et il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce tête-à-tête. « Mademoiselle, » dit Saint-Austreberte en s'approchant d'elle et en parlant à mi-voix, « je vous demande pardon d'avoir employé ce moyen pour me trouver seul avec vous, mais j'ai besoin de vous entretenir. Et moi, monsieur, j'ai besoin de ne pas vous entendre. Mes sentiments n'ont pas changé, ils ne changeront jamais. Ils sont aujourd'hui ce qu'ils étaient la dernière fois que nous nous sommes vus. Ils seront toujours tels, toujours, monsieur, toujours. Il ne s'agit pas de nos sentiments, mademoiselle. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de monsieur votre père, menacé d'un grand danger, du plus terrible qui puisse l'atteindre, mon père. Oui, mademoiselle. Monsieur votre père peut être frappé d'un moment à l'autre d'un coup épouvantable, d'un coup mortel, dans son bonheur, dans son honneur. Et c'est pour lui éviter ce coup que j'ai voulu vous parler, car à nous deux, nous pouvons le détourner. Parlez, monsieur, je suis prêt à écouter, prêt à agir, parlez. » Saint-Austreberte resta durant quelques secondes la tête appuyée dans sa main. « Parlez, » répéta Marthe. « Je le voudrais, je le veux, mais ce que j'ai à vous dire est tellement difficile, tellement délicat, que les paroles s'arrêtent sur mes lèvres ou, plus justement, ne me viennent pas pour m'expliquer. » « N'ayez pas souci de vos paroles, monsieur. Il s'agit de mon père. S'il ne s'agissait pas de lui, croyez bien que je ne me serais pas engagé dans une pareille démarche. Il faut toute l'amitié que je lui porte, tout le respect qu'il m'inspire, pour me décider. » Sur ce mot, il s'arrêta et il la regarda, comme s'il attendait qu'elle l'engageât à continuer. Mais elle ne dit rien, et à son tour aussi, elle le regarda avec une fixité étrange. « Si je ne peux pas entendre ce que vous voulez dire, » dit-elle enfin, « ne le dites pas, monsieur. »« Certes, je voudrais me taire, mais pour monsieur votre père, il faut que je parle. Si grande que soit votre innocence et votre pureté, mademoiselle, vous n'avez pas pu vivre dans cette maison sans voir qu'il s'y passe un drame qui, un jour ou l'autre, peut avoir un dénouement terrible. » « Quel drame ? » balbutia Marthe en rougissant sous le regard de Saint-Austreberte. « Si ce drame touche mon père, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas qu'on me dise ses secrets. Ce n'est pas à moi de les connaître. Ce ne serait pas à vous. si vous ne pouviez pas détourner le malheur qui menace M. Denis. Mais comme vous le pouvez, vous devez tout savoir, et moi je dois tout vous dire. Monsieur votre père est trompé dans son amour, demain il peut être déshonoré. Monsieur, s'écria Marthe en se levant affolé, éperdu. Monsieur, ne parlez pas, ne parlez plus. Et comme elle voulait reculer, échapper, il la prit par la main et la retint. Oui, la voilà, cette vérité hideuse que je n'osais dire. Comprenez-vous maintenant, mademoiselle, que si jamais elle est connue, et elle peut l'être, livrée au hasard, elle doit l'être certainement dans un temps donné. Comprenez-vous que ce jour-là, il faut que cet excellent homme, qui est votre père et qui est mon ami, il faut que ce malheureux, ce désolé, ait un cœur pour y pencher sa douleur, qu'il ait une main ferme, qui vienne soutenir son désespoir et son anéantissement. Saint Ostrobert cacha sa tête entre ses deux mains, puis après un moment de silence, il reprit. Ce cœur, qui devra le recevoir, c'est le vôtre. Cette main, qui se tendra vers lui, ce ne peut être que celle de l'homme qui connaît ce honteux secret. Vous voyez donc bien, mademoiselle, que nous devons être unis et que c'est Dieu lui-même qui le veut. Marthe resta atterrée, la tête basse. Deux ou trois minutes longues comme une agonie s'écoulèrent ainsi. Puis saint Ostrobert reprit la parole. Je vous ai montré ce qui pouvait, ce qui devait arriver quand la vérité serait découverte. Mais il ne faut pas aller si loin, car elle peut ne pas l'être. Et si vous le voulez, elle ne le sera pas. Elle est entre vos mains. C'est vous seul qui pouvez les ouvrir pour qu'elle s'échappe ou les fermer pour la retenir. « Moi, monsieur ?» dit Marthe, bouleversée par cette parole qui n'avait pas d'éclat et qui n'avait pas d'emportement, mais qui n'en était que plus terrifiante dans le ton voilé et discret qu'elle gardait toujours. « Ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est ce que vous voulez savoir. Une seule chose, difficile à obtenir, je le sais, mais possible cependant pour qui pourra la poursuivre. C'est que les relations qui existent cessent sans retard. Mais pour cela, il faut avoir le droit d'élever la voix dans cette maison. » Il faut avoir la force pour en chasser le misérable qui s'y est introduit, sans qu'il se retourne et se défende. Il faut enfin avoir l'autorité pour ouvrir les yeux à la malheureuse femme qui s'est laissée tromper. Et il n'y a qu'un seul homme qui puisse faire cela, mademoiselle, c'est votre mari. Ce fut au tour de Marthe de cacher sa tête entre ses mains, car elle voyait le gouffre vers lequel on la poussait sans qu'elle pût résister ou échapper. « Je vous jure, reprit bientôt saint Ostrobert, que si M. R.M. pouvait être votre mari, j'irai le chercher et je vous l'amènerai pour que vous sauviez avec lui ce cher M. Denis. Ah oui, moi qui ne suis que son ami, je me sacrifierai de bon cœur pour le sauver. Mais cela est impossible, car jamais M. Denis n'acceptera M. R.M. pour gendre, et c'est pour cela que je vous ai dit en commençant que si vous le vouliez, nous pouvions à nous deux sauver votre père. En devenant votre femme ? S'écria Marthe, qui recule avec horreur. « Mon Dieu, mademoiselle, reprit-il tristement, je connais vos sentiments pour moi. Mais laissez-moi vous dire qu'on vous a trompé sur mon compte et que je ne suis pas l'homme qu'on vous a peint. Si j'étais cet homme, savez-vous ce que j'aurais fait, vous aimant comme je vous aime ? Le jour où j'étais, par suite d'un hasard, maître du secret qui m'a livré l'honneur de votre famille, je serais venu à vous et je vous aurais dit « Je vous aime ». Pour obtenir votre main, je suis capable de tout, même d'un crime. Acceptez-moi pour mari, ou je parle. Et vous m'auriez accepté, car vous avez l'âme assez haute pour faire passer le bonheur de votre père avant le vôtre. Est-ce là ce que j'ai fait? Cela dit, je n'ajoute plus un mot. Réfléchissez, mademoiselle, pesez votre résolution, pensez à vous, pensez à votre père. Seulement n'oubliez pas que le temps presse, car aujourd'hui, demain, la vérité peut se révéler à tous. À ce moment, M. Denis rentra dans le salon. « Eh bien » dit-il en remarquant l'animation de saint Ostrobert et la pâleur de Marthe. « De quoi donc avez-vous parlé ?» Marthe resta décontenancée, mais saint Ostrobert ne se troubla point. « De vous, mon cher monsieur, de Madame Denis, de M. de Mériol, de tout ce qui vous touche. » « Voici vos renseignements, » dit M. Denis, « et une note. » Quelques paroles furent encore échangées entre M. Denis et saint Ostrobert. Puis celui-ci se leva et quitta le salon. Sa voiture l'attendait dans la cour. « Chez moi, » dit-il. En rentrant dans son vestibule, le domestique lui annonça que M. Brasier l'attendait dans le parloir. « Eh bien, » demanda celui-ci en voyant entrer saint Ostrobert, « arrivez-vous à un résultat, monsieur le vicomte ?»« Je ne puis plus contenir vos créanciers. De retard en retard, nous sommes arrivés à la dernière limite. Ils disent que vous vous moquez d'eux. que voulait lanterner, et comme je n'ai rien de précis à leur annoncer, ils ne me laissent pas parler. Si vous n'obtenez pas un résultat certain et rapide, je ne réponds plus de rien. Je vous en préviens franchement, afin que vous avisiez. Il n'en est que temps, pensez-y. Faites faire des frais aux huissiers, cela leur donnera de la patience. Ils en ont fait tout ce qu'ils en pouvaient faire. Eh bien, dites à ceux qui nous harcèlent que s'ils veulent me laisser tranquille, ils verront la publication de mon mariage avec Mademoiselle Denise de Bordeaux dans 8 jours, juste 8 jours. Alors ils seront intégralement payés. Au contraire, s'ils nous tourmentent, ils n'auront rien, ce qui s'appelle rien, à eux de choisir. Au revoir, Brasier. » L'homme d'affaires, ainsi congédié, s'en alla sans répliquer. Alors Saint-Ostrebert s'étendit sur un canapé après avoir sonné. « Qu'on me prépare un bain, » dit-il, « et qu'on ne reçoive personne. J'ai besoin de repos. » Et il alluma un cigare, qu'il fuma doucement, délicieusement, en souriant aux spirales de fumée qui se déroulaient devant lui. Enfin, il touchait le but. Dans un mois, il serait marié. L'avenir s'ouvrait devant lui.